Hello, my name is Sabrina Ryan. I am from Near FM, based on the north side of Dublin. We took part in this Youth in Action programme for empowering young women in media expression and technical radio skills. The programme was relatively successful. While we do think that training should be ongoing in order to create a successful programme, it was a very beneficial project for the women that were trained through Near FM's training programmes. Some young women moved on to immigrate, to study or to work in different parts of the country, in different parts of the world, so it was difficult to create a solid system. But the experiences that these young women had while on this training programme were astounding, and it was amazing to see them develop through their ways to express themselves, through their own technical skills, and to develop a confidence while speaking into a microphone, which is something that a lot of young women never really get the opportunity to do. Hi, my name is Barbara Sheen. I am from West Dublin Access Radio, which is a radio on the west side of Dublin. I took part in this Youth in Action project. We originally started off with five women who were interested in doing Express Yourself through media. This was a project, a training programme that was to empower young women between the ages of 16 and 30. We started off with five, we ended up with 15. This Youth in Action project has been really successful in that from that programme we developed a programme called Female Intuition, which we now have. It goes on air 1 hour twice a week, and we have several presenters around 10 that dip in and out. That there's not the same presenters at all times. It has been really enlightening for the women, especially we had two 16-year-olds who didn't really understand women in media or feminism, and I think they had the greatest learning of all. But we have continued to engage young women and get them on board doing the Female Intuition, and like Sabrina said, I do think it is necessary to have ongoing training and to kind of go to the next level of where this project can bring us. Bonjour, je suis Camille de Radio Lauron. On fait partie du projet européen Jeunesse en Action, qui visait à parler de la place des femmes dans les médias et de la place des femmes en général. Donc ça nous a permis de partir à la rencontre d'autres radios d'Europe, notamment à Dublin, à Saint-Sébastien, ici à Hendaye, et de découvrir les différences culturelles par rapport à la place des femmes dans les médias. Pour nous, ça a été très intéressant de partir à la rencontre d'autres cultures et de découvrir d'autres personnes. Donc on a fait plusieurs émissions qui ont permis d'interviewer une femme artiste, d'interviewer une femme politique, d'interviewer différentes femmes et dans différents pays, et ainsi de découvrir qu'encore aujourd'hui, il faut parfois lutter quand on est une femme pour avoir accès à la communication. Pour nous, c'est une expérience très, très enrichissante, et on compte continuer ce projet, même maintenant qu'il est terminé. Et on a des nouvelles femmes entre 15 et 30 ans, et même parfois plus de 30 ans, qui veulent rejoindre cette dynamique et faire d'autres émissions. Donc je suis Camille, aussi je travaille avec Camille à Radio Lauron. Et moi je suis rentrée sur le projet, j'avais à peu près 16 ans. Et ça a été une véritable prise de conscience de rencontrer des femmes qui se battaient dans d'autres pays pour d'autres, avec d'autres enjeux, d'autres problématiques. On a notamment fait la rencontre de Maria Pia à Donosti, qui a été formidable et qui nous a fait... qui nous a fait prendre conscience de l'importance de la liberté d'expression et de l'importance des radios en tant qu'outil alternatif de communication dans justement la libération de la femme et ses moyens d'expression. Donc je pense que ce projet a été un peu plus bénéfique pour toutes et on a beaucoup appris tant sur le plan technique et professionnel en radio que sur le plan humain et on a appris à voir le monde différemment. Kaixo, ba, ni Aitziber Zapirain naiz eta Antxeta irratiaren partetik hitz egingo dut. Guretzat ere oso aberatsa izan da proiektu hau, ikasi dugulako emakumeen egoera zein eta nolakoa izan daiteken komunikabideen barruan, eta horrez gain beste atzerriko hainbat eredurekin batera lan egiten ikasi dugu. Antxeta irratiaren kasuan ba, emakume etorkinekin egiten dugu lana, emakume etorkinei hitza ematen diegu eta are gehiago ohartu gara beraiekin batera talde bat osatzeko aukera ukan dugula, besteak beste egitasmo honen bidez eta gaur egun hilabetean behin emakume etorkinek parte hartzen dute Antxeta irratian beraien errealitatearen berri emateko, kontzientziazio lan bat ere egin nahi izaten dugu jendartera begira emakume etorkinek bizi duten egoera prekarioa salatzeko. Jone San Akzion egitasmoari esker, hainbat leio ireki zaizkigu lanerako, formatuak izan gara, formazio lokala eta baita ere Maria Pia Mata amarkeko lehendakariak eskainitako formakuntza jasotzeko aukera ukan dugu, beraz guzti honekin aurrera jarraitzeko hainbat oinarri edo finkatuak ditugu. Eta plazer bat izan da eta espero dugu etorkizunean ere horrelako aukera gehiago izango ditugula. Bueno, kaixo, ni Miren naiz, eta Pausu Mediak ekoizten duen Gonekin Erobero irratsaioko kidetako bat naiz. Bueno, gehiago gara, irukide gara irratsaio aurrera ematen dugunak. Dagoeneko bost urte uste dut eramatza azkigula irratsaioa egiten. Eta bueno, ba, hasiera batean herriko talde feministarekin batera abiatu zen proiektua izan zen, baina gaur egun bere baitan jarraitzen duen irratsaioa da. Eta bueno, irratsaio honetan, ba, esan bezala feminismoaren inguruan edo aritzen gara, ba, bai feminismotik eta feminismoaz hitz egiten saiatzen gara. Eta bueno, ba, horixe, ba, gustoko ditugun edo interesgarria jotze ditugun ba, gai honen inguruko gauzak ekartze ditugu, albisteak, elkarrizketak, kultura edo agenda proposamenak, eta bar. Eta bueno, ba, proiektu honetan parte hartu dugu, iazko urtarria maieran Irlandan egoteko aukera izan genuen, bertan ere ba, Frantzia, Irlanda eta bueno, beste herrialde batzutako irratsaio neska gazteekinako irratsaioak ezagutzeko aukera izan genuen eta bueno, baita bertan parte hartzeko ere, ze Irlandan bertan ba, beraien irratsaioan parte hartu genuen eta oso esperientzia polita izan zen eta bueno, ba hementxe ba, orain ja formazio, bueno, piarekin egindako formazioen ostean eta bueno, ba, proiektu honek eskaini dituen ba, aukera guztien ostean, ba, hemen ja amaiera jotzen du eta bueno, bukaera ba, gure etxean izan da kasu honetan eta bueno, oso pozik ba, eman diren topaketa guztiekin. Bozak elkarteak egitasmo honen bidez 15 egunean behin ekoizten den irratsaio bat sortu du. Euskal Herriko emakume sortzaileei tartea eskaintzen diegu. Proiektu honekin bi formakuntza jaso ditugu eta horrek lagundu egin digu irratiko atal tekniko ikasteko, irratia nola hitz egin behar den jakiteko eta irratisaio bat nola dinamizatu behar den ikasteko. Bi neska gara irratisaioa egiten dugunak eta elkarrizketatuak ere beti neskak izaten dira. Gure inguruan ez dago gisa honetan beste irratisaiorik eta aurrerantzean saioarekin segitzeko asmoa eta gogoa ditugu. Irratiaren mundua oso gutxi ezagutzen genuen eta benetan aberasgarri izan da proiektu hau. Hello, my name is Sabrina Ryan. I am from Near FM, based on the north side of Dublin. We took part in this Youth in Action program for empowering young women in media expression and technical radio skills. The program was relatively successful, while we do think that training should be ongoing in order to create a successful program. It was a very beneficial project for the women that were trained through Near FM's training programs. Some young women moved on to